Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat. Salut mon cher Grégoula. Bienvenue dans le secret du son d'abat. Bonsoir monsieur Melon. À la technique, Mathias. Mathias à nouveau. On embrasse David et sa triplette au passage. Au passage. Et nous voici dans une émission différente. Coolish ou presque. En tout cas... Ça fait longtemps qu'on essaye qu'on se dit on va la faire. On a plein de cas, mais on a été obligé de faire beaucoup de choix. Ça fait aussi longtemps qu'on est sollicité dans ce sens. C'est vrai. Et nous allons, comme à notre habitude, passer gaiement d'un continent à l'autre, mais cette fois, effectivement, avec le sourire, avec la banane, avec la pêche. Avec le soleil. Avec le soleil. Et... on va commencer, ça va être assez significatif, avec le Dur Dur Band, mon cher Grégoula. Ouais, Dur Dur Band, c'est une formation somalienne des années 80, qui jouait un funk très particulier, au plein milieu de la guerre civile en Somalie, où il y avait beaucoup de population qui bougeait sur l'Éthiopie, etc. Bon, je t'arrête tout de suite, ça commence super mal ton histoire. Ah bah oui, c'est un peu de géopolitique, c'est quand même... C'est okay, bon. C'est ça aussi le secret du son d'abat, les amis. C'est essentiellement ça. Et donc, on va écouter tout de suite le morceau d'Oyo, sorti sur donc une cassette, hein, sur l'excellent label Handsome Tapes from Africa, dont on parle trop rarement dans l'émission, et qui sort une pléthore de cassettes. En fait, il récupère des cassettes évidemment dans toute l'Afrique, mais pas que, hein. Il y a toute une partie de réédition de musique asiatique, et qui remasterise plus ou moins, et vraiment c'est assez génial. Il tourne, hein, il fait des soirées mix avec ses cassettes, etc. Il paraît que c'est assez terrible. On va écouter donc Dur Dur Band, qui est sa prochaine en fait sortie officielle au sein de Awesome Tapes from Africa. Dur Dur Band dans le secret du son, et ben, hein, tout simplement, on va voilà. Thank you. d'Urturband dans Le Secret du Son d'Abba avec le morceau Doyo, voilà, tiré de volume 5 de l'excellent label Awesome Tapes from Africa. Voilà, le gazier qui fait tourner son petit blog et cette édition de cassette est venu, fait déjà 2-3 venues en Europe. Et entre autres un petit passage à Poitiers qui avait enflammé les copains, en tout cas au-delà du personnage, en tout cas la qualité de la prestation et son envie de partage de ces sons oubliés ou méconnus ou voilà au croisement des genres, comme vous l'avez entendu dans le Durdurband, cette basse funk et ces chants évidemment très typés éthiopiens, voilà, et ce qui fait la marque fabrique de Durdurband, ce combo des années 80 qui semble-t-il a vraiment marqué la région, donc l'Éthiopie et le Somalie à l'époque. Voilà, donc voilà, c'était un éclairage sur Awesome Tapes of Africa parce que c'est vraiment un label dont j'écoute régulièrement les publications et on n'a pas le temps malheureusement de tout passer. Parce que, voilà, et mais vraiment allez-y parce que c'est que du bonheur. On poursuit avec les Meridian Brothers. Voilà, t'es un peu loin, mais Meridian Brothers sont bien dans la place. Alors, qu'est-ce que c'est Meridian Brothers? C'est tout simplement le projet quand même solo de Ablis Alvarez, qui est un Colombien qui traîne quand même un peu à Londres et tout ça, qui s'est fait remarquer par le label Sunway. Encore lui. Bah oui, évidemment. Et qui sort... Meridian Brothers en fait avait sorti déjà plusieurs EP à la fin des années 2000 et là sort un premier album où on retrouve des morceaux qui étaient sur les EP en fait, que j'avais déjà écouté, qui ont été retravaillés, remasterisés et qui sonnent un petit peu différemment mais dans le même esprit, c'est-à-dire dans cette volonté de mélanger autant les Residents, Devo, les Beck du début des années 90, et la musique sud-américaine, salsa, etc. Ah oui, c'est vraiment... C'est vaste comme projet. Ouais, c'est très vaste, c'est un peu barré, un peu psyché, et surtout ultra efficace. L'album est très réussi, vraiment, c'est cette compilation... plus qu'autre chose, cette compilation des travaux de notre ami Ablis Alvarez vraiment vaut le coup d'œil et on va écouter un extrait de cet album qui s'appelle Desperanza et on va écouter Desperanza sorti sur Sunray Records. De la salsa aux Residents, allons-y. Vous allez voir. Prenez des tripes quand même. Cuando pase el cumbión, ay, desafía el folclore. Ay, me buscará con rabia, me linchará borracho en mi lujuriosa casa tan triste, casa tan triste. Yo voy a cargar cajón. Le voy a prender una vela y a zamparle un trago de ron. Le voy a prender. Après le trip presque psyché de Meridian Brothers, on reste en Amérique du Sud, en Amérique centrale, avec la cumbia Soledena, avec le morceau El Grabato. J'ai fait allemand en deuxième langue, donc c'est difficile pour moi l'espagnol. Tiré de l'excellente compile Diablos del Ritmo, The Colombian Melting Pot 1960-1985, sorti sur Analog Africa. Voilà, une compilation, on a déjà parlé hein, dans Analog Africa, l'excellent label allemand de Francfort. Qui a défriché de façon assez magnifique l'Afrique en ressortant des perles afrobeat, high life, etc. dans les années 2000. Et l'ami Samy poursuit le travail sur l'Afrique du Sud. Alors, l'année 2012 a vu une pléthore, plusieurs parutions assez significatives de rééditions, d'un gros travail de recherche des labels Soul Jazz et de Sunway, donc un peu entre guillemets les concurrents amis de Analog Africa aussi sur cette partie du continent américain. Et alors pour les avoir écoutés, on a fait le tri, hein, c'est le travail du secret du son d'abat quand même, c'est faire le tri. J'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour finalement le travail d'Analog Africa qui est sorti cette compilation fin 2012 et vraiment qui est très réussi avec quelques... La particularité de mélanger, de vraiment faire ce pont entre l'Afrique, l'Amérique du Sud, entre évidemment des sons afro, afrobeat, des sons palenqués qu'on a déjà joué ici, qu'on joue régulièrement en soirée, pour ceux qui nous suivent. Oula, oui. Des sons tropical funk. Ça, c'est la première partie de la compilation. Et puis, la deuxième partie, dont on a écouté un extrait, qui est vraiment, qui est, à mon avis, encore plus fin, plus juste, où on retrouve vraiment de la pollo porno, de cumbala et aussi de la cumbia. Alors là, on a vraiment écouté un extrait de cumbia assez minimal, avec un accordéon un peu en retrait, où la rythmique était bien derrière, etc. Vraiment, c'est très intéressant et assez génial. On est vraiment sur l'axe 1960-1980, mais on est vraiment le gros et des enregistrements retravaillés pour cette compilation. On est plutôt au cœur des années 70. Vraiment une compilation qui est un peu étrange à appréhender aux premières écoutes, mais vraiment qui est extrêmement efficace et hyper bien vue. En tout cas, vraiment, je vous la conseille vivement. Le soleil revient, il est temps. Alors on change, on revient plutôt. On change pas, on revient en Afrique. Ah bon, mince. Enfin, en même temps, c'est vrai qu'avec avec Analog Africa et puis voilà le travail de ce label et puis la cumbia. De toute façon, on reste dans un héritage clairement africain. Hein. Toujours. Et voilà. Donc on va continuer dans l'héritage africain. On va aller plus précisément en Afrique de l'Ouest avec la double compilation sortie chez Stern Music, La Voix de la Révolution. C'est une double compilation donc qui retrace une partie significative de l'œuvre de Sori Kandia Kouyaté. Quand il est décédé en 77, on a finalement célébré douloureusement la disparition de la voix de l'Afrique. Enfin, c'était une des premières fois qu'on parlait vraiment de la voix de l'Afrique. Et c'est vrai que c'est quelqu'un voilà, que je ne connaissais pas spécialement, mais bon, on apprend progressivement à connaître de proche en proche le patrimoine de cette région du monde, notamment grâce aux rééditions et puis aux travaux que font les différents labels, Stern Music, Analog, Steinway et tant d'autres. Et puis tous les diggers à travers leur blog. Dont on vous parle pas assez régulièrement dans ce sont là-bas. Le puzzle se constitue ou se reconstitue sans cesse grâce à ce travail d'archivage, d'archiviste, presque de défrichage, puisque c'est vrai que c'est tellement vaste qu'il faut savoir en sortir les meilleurs, quoi. C'est... À défaut des meilleurs, les pièces les plus significatives, ouais. Voilà, qui vont donner à des gens comme nous qui sommes pas des spécialistes. Qui vont donner voilà, des éléments de compréhension et d'appréhension de du patrimoine musical de cette région. Bref, on est en Guinée-Conakry, avec quelqu'un qui a grandi avec ce qu'on appelle l'époque mandingue, je dirais avant la Seconde Guerre mondiale, l'époque traditionnelle, la royauté dans le pays, et puis qui a connu l'émancipation du pays. Alors c'est en 58, si je ne dis pas de bêtises, avec le président Sékou Touré. Et donc il a accompagné, je dirais, l'indépendance du pays, la Guinée-Conakry, avec sa voix. Alors la légende ou l'histoire, je ne sais pas, dit qu'il s'est fait remarquer un jour de concert où son micro est tombé en panne et qu'il a continué avec son orchestre à chanter à voix nue et marquant évidemment les esprits. Et c'est vrai qu'on va, dans l'enregistrement qu'on va s'écouter, le morceau, c'est assez symbolique, hein, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Conakry, on va voir cette voix assez presque lyrique, mixée très en avant, en même temps les orchestrations riches, typiques des orchestres nationaux. On a déjà écouté le Mbeya Jazz, on passe, comme tu disais, en soirée un certain nombre de choses, comme le Super Moro Band, etc. Ouais. Et tant d'autres, des orchestres nationaux qui ont accompagné alors je ne veux pas dire le règne, puisque on était bien dans une république avec Sékou Touré, mais durant toutes ces années, des années 50, 60, ouais. 50-60, jusque presque début des années 80. Et voilà, il a accompagné ces années-là de sa voix et de sa musique chaleureuse. Et la voix de la Révolution, c'était justement l'orchestre qui l'accompagnait. Tout au long de ces années. On va s'écouter donc un extrait de cette double compilation, c'est Sori Kandia Kouyaté, le morceau Conakry sur La Voix de la Révolution chez Stern Music. kununza Beri yana mota mivuru vano venya kumani mboye Kwana giri jove nifaso na nimagura tinya Thank you. trop tard pour la Saint-Valentin, mon cher Greg, mais pas pour la fête des mamans. C'est le nouvel album de James Black Show. Yeah. Love is the plan is death. Alors derrière ce titre un petit peu ambivalent, chaud et froid à la fois. Album sorti chez Important Records. En fait, voilà, c'est plutôt un album caressant. Hein. On entend, alors vous n'avez pas rêvé, nous n'étions pas en train de respirer chaudement derrière le disque. C'est bien un enregistrement au plus près de l'instrument et du musicien où on entend vraiment la respiration de Black Show en même temps que son jeu fin et aérien à la fois, enfin voilà, sur sa douce corde, les doigts qui filent comme ça. C'est vrai que c'est un peu trop propre pour séduire les rockers, ces arpèges, ces motifs colorés, mais ces répétitions. Il y a même des touches de piano par-ci par-là sur certains morceaux, sur un ou deux. Des variations au clavier. Voilà, il y a même une voix féminine façon Heavenly Voices. Bah, voilà, c'est assez. Voilà, un certain nombre de gens qui auront fui très très vite, mais nous on est restés, on apprécie ça. On est bien. Ça nous fait penser même, peut-être en un peu plus. Voilà, un peu plus feutré, un peu plus polissé à un album qu'on avait adoré d'un pote à nous, Thomas Lecor, qu'on avait diffusé et qu'on espère revoir bientôt d'ailleurs au Pays de l'Orient. Voilà, c'est un peu. J'ai écouté l'un puis l'autre, et l'un et l'autre, etc. Et je trouve que ça. Voilà, on est dans le même état d'esprit et. Sauf que Thomas Lecor n'est pas encore sur Important Records et ça, non, c'est non, dommage. Non. C'est bien dommage. Sait-on jamais quand. Voilà, en plus, il a fini sa tournée avec Titi Vampas. Il est libre. Il est libre. Important Records, si tu nous écoutes. C'est ça. Il y a du taf. Alors, un petit peu de noirceur. Il y avait trop de soleil tout d'un coup. Il y avait trop de soleil. Qui dit soleil dit éclipse. Mais le soleil reviendra, promis. Qui dit soleil dit éclipse. C'est la plus belle éclipse de soleil de ces 40 dernières années. C'est bien évidemment l'allemande Nico. Nico avec son Desert Shore, qui était le premier album. Les fans de musique gothique disent voilà, c'est le premier album gothique. Voilà, c'est vrai que c'est un album qui a posé et qui est tellement impressionnant par son minimalisme et sa noirceur et la froideur et la magnificence de la voix de Nico, que c'est vrai que ça a posé quelque chose. Ça n'avait évidemment pas échappé à des gens comme Peter Christopherson, Feu Sleazy, l'un des membres du fondateur de Throbbing Whistle. Et, qui n'aime pas les choses très. Voilà. Hein et qui avait ensuite, évidemment, construit son projet Coil dans les années 80-90. Et incroyable. Jusqu'au milieu des années 2000, avec le décès de son comparse John Balance, puis du sien, qui avait évidemment mis a fortiori un coup d'arrêt au projet. Desert Shore, le rapport avec Peter Christopherson, c'est que tout simplement, il a voulu s'approprier. Dans les dernières années de sa vie, cette œuvre de l'allemande Nico et en faire sa propre version et n'étant pas arrivé à terme du projet, c'est deux de ses comparses de Throbbing Gristle, à savoir Chris Carter et Cosé Fanny Tutti, ont souhaité donner naissance quand même à ce projet et conduire sur la base des travaux qu'il avait déjà composés, de ses premiers enregistrements, de ses premières compos, des notes, de tout ce qu'il avait pu laisser d'ailleurs dans ses bécanes informatiques. Ils ont bouclé un petit peu à leur manière le projet en faisant appel aux proches. Il y a un projet qui s'appelle. Et donc ça s'appelle tout simplement Desert Shore, aussi simplement que voilà, c'est vraiment une réinterprétation complète de l'album de Nico, avec une légère modification dans l'ordre des titres. Et c'est accompagné, parce que c'est un double CD, c'est sorti par Industrial Records, qui est le label de Throbbing Gristle. C'est sorti sous le nom XTG, parce que le quatrième larron du groupe Throbbing Gristle n'a pas voulu faire partie de cette aventure-là, ni à l'origine, ni sur l'interprétation finale, etc. Je veux parler de Genesis Peerage. Donc voilà, c'est XTG, c'est-à-dire Peter Christopherson décédé entre-temps, Chris Carter et Cosé Fanny Tutti, XTG. Et donc c'est un double CD. Que des gars hyper pêchers, quoi. Voilà. Un double CD, parce que donc il y a le CD avec la réinterprétation de l'album de Nico, et puis un qui s'appelle un CD complémentaire avec Bon, ce qui, moi j'apprécie énormément parce que c'est vraiment, j'adore Throwing Whistles sur l'ensemble de la discographie et en particulier la dernière période plus électronique, etc. On est vraiment là-dedans, même si certains critiques de disques ont dit voilà, c'est pas complètement abouti. Moi j'apprécie vraiment The Final Report qui vient clore la série des reports, comme ils appelaient ça, depuis la fin des années 70. Bref, on va s'écouter en tout cas un extrait de Desert Shore. Un extrait chanté par Cosé Fanny Tutti. Alors à savoir qu'il y a du beau monde et peut-être des choses un peu plus secondaires, on va dire, sur cet album de reprise. Il y a quand même Anthony Egarty, il y a Blixa Bargeld sur deux titres. C'est pas mal ça, c'est déjà du lourd. Il y a Marc Almond. C'est pas mal. Il y a aussi voilà les amis. C'est quoi les trucs secondaires? Les amis subversifs, c'est voilà une reprise un peu curieuse par Gaspard Noé du fameux titre Je suis le petit chevalier. Il y a Sacha Grey aussi qui fait de la figuration sur ce disque. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est un disque qui ça a pas grand chose à voir avec le minimalisme initial. C'est plus enluminé, on est plus proche des derniers coils, des derniers Soaring Whistle. C'est quand même très beau, à l'image de donc, ce My Only Child chanté par Cosé Fanny Tutti. Et là, c'est vraiment ouvrir la cathédrale. On s'écoute ça dans le secret du son d'Abba, XTG, My Only Child. Le son des cathédrales dans le secret du son d'Abba. Thank you. Joli morceau, mon cher Rigola. Ouais, très très beau, Vaisselle. Mais oui, alors, ça s'appelle Vaisselle. Voilà, alors vous lirez dans la playlist qu'on mettra en ligne, effectivement, que ça s'écrit à la mode anglo-saxonne comme un vaisseau sanguin, Vessel. C'est signé sur Triangle, qui est un des petits labels electronica post-dubstep qui monte. L'album s'appelle Order of Noise. On est dans cette école effectivement qui a su tirer le parti de la bass music à l'image du dubstep, de l'electronica des années 90-2000 pour en faire un mélange non pas inédit, mais en tout cas moderne. Approprié à l'époque. Voilà, approprié à l'époque. Alors, on pense à Elam Sphere, on pense à Actress, qu'on a déjà eu l'occasion de passer, à Dan Dykstra, à Shackleton, à Old Apparatus, qu'on aurait pu passer, à tout un tas d'autres, Sex, qu'on avait passé l'autre fois, et non pas Bex, Sex. Oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est lumineux, c'est parfois proche effectivement du dub, parfois de la techno assez profonde, à la mode berlinoise. Tout ça mélangé. Sans tomber dans le deep un peu putassier, quoi. Voilà, jamais. Sans tomber d'un côté dans le deep putassier, comme tu le dis, ni dans la musique, je dirais, électro-goth ou sombre et ténébreuse ou étouffante, comme j'ai pu le lire dans certaines chroniques en ligne sur certains... Certains blogs, voilà. C'est moi, c'est plutôt une musique que j'ai envie d'écouter quand il y a un brin de soleil, non pas quand il y a une averse. Ça dépend des goûts. Voilà, je vous recommande Order of Noise, l'album de Vessel sur le label Triangle. Tropic of Cancer. Alors là, pour le coup, vraiment, on attend la prochaine averse avant de se mettre ce disque. Entre giboulé ou averse, entre giboulé. Sans passer par le crachin. Ouais, crachin giboulé, ouais. D'accord. Ouais. On est dans une veine qui ne cache pas ses influences. Ouais. Alors c'est une américaine, Carmela. Carmela Lobo. C'était un duo, ce n'est plus qu'une seule personne. Plus qu'un solo, quoi. Oui, voilà, merci. Dont on avait diffusé d'ailleurs un ou deux tracks, je me souviens d'un EP notamment sur Blackest Ever Black, un label qu'on suit régulièrement, un label londonien pour le coup, mais voilà, qui avait publié un EP de Carmela Lobo, donc Tropic of Cancer. On est dans une veine donc clairement avec des influences clairement assumées du côté de... on va dire de la New Wave ou de la Cold Wave du tout début des années 80. 1980. Ça nous rajeunit pas. Voilà, des choses comme Ike Yard, comme toutes les productions de Martin Annett sur Factory, Section 25 et tant d'autres. Crispy Ambulance, et j'en passe, et des moins bons. Et puis aussi quand même du côté de la période Face Pornographie de Cure, hein, parce que les mélodies, les synthés sont là. Alors ça sort sur un EP qui s'appelle Part-Time Punks Radio Session, c'est sorti par Ghostly International, et c'est un EP où on retrouve quelques titres de HTRK. Et d'un côté, et de Tropic of Cancer de l'autre, ce sont voilà. Alors le HTRK, c'est un projet qui nous vient au départ d'Australie. Je crois qu'ils ont depuis vivent du côté des États-Unis ou du Royaume-Uni, je sais plus bien. Ils se baladent. Tropic of Cancer doit vivre du côté des États-Unis. Pour ce qui la concerne, c'était une session radio, donc des morceaux joués live, dont la plupart sont des morceaux qui figurent sur des EP ou des albums tout récemment sortis, à l'exception de More Alone qu'on va s'écouter tout de suite. Voilà. De toute façon, l'ensemble des morceaux de l'un et l'autre des combos, vraiment, il y a une synergie, il y a une continuité stylistique. On va s'en faire tout de suite une idée. Dans le secret du son d'Abba, Tropic of Cancer, More Alone. un titre, moi je pense, à référence cannabalistique. Cannabalistique. Bah ouais, Californ Grass. Ouais, tout à fait, mais c'était pas facile à dire ça. Ah, c'était très très dur. New Order, spécial dédicace à Titi Wall, au passage, le seul fan assumé de ces pays de l'Orient. Au pays de l'Orient et ailleurs. Incroyable EP de New Order. Incroyable dans le sens, genre complètement. Enfin, je sais pas, moi j'arrive pas à l'assumer cet EP. En même temps, ne te demande pas. c'est vrai que on savait que la session d'enregistrement de l'album Waiting for the Siren Call au milieu des années de ouais, que t'es gentillet. Avec quelques bons titres, voilà. Une session avait débordé. Il y avait largement un contenu pour un second disque. Ce second disque a été retardé, alors pour différentes raisons. On sait que le groupe a été reconfiguré avec le départ du bassiste génial, mythique et colérique Peter Hook, qui a claqué la porte du groupe. Le groupe qui continue à tourner sur ses acquis, mais Peter Hook aussi d'ailleurs de son côté. Tout le monde essaye de fructifier un patrimoine qu'ils avaient surtout commencé par entamer avant qu'ils ne donnent les premiers dividendes. New Order, donc, qui sort ce Lost Sirens sur Rhino à la fin 2012, donc 8 morceaux. Fond de tiroir clairement assumé, avec donc voilà quelques bons titres à l'image de ce Californian Grass et un ou deux autres, et c'est vrai que c'est pas non plus excitant. Ouais. Fermez le banc, ça appartient aux fans, on en est, on aime, et ouais. On met ses chaussons, on joue de la basse devant la glace de la salle de bain, ouais, et on met une vieille vidéo de voilà. Joy Division, on aime ça, et voilà. New Order, voilà. Qui, voilà, en effet, comme tu le disais, tourne dans le monde entier, plus que jamais, ramasse enfin peut-être... De quoi leur assurer une petite retraite, peut-être. Ouais, pour les enfants et les arrière-petits-enfants. Là. Voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite. NHK, c'est beaucoup plus actuel, beaucoup plus dans le vent. C'est Kuei Matsunaga, on l'a souvent diffusé. Dans le vent, c'est dans le vent du secret du sonda. Dans le vent des gens qui comptent, on va dire, dans la musique contemporaine, je veux dire, ne serait-ce que son carnet d'adresses et ses collaborations avec Mika Vanio, avec Merzbow, avec Sean Booth de Outtaker. Voilà, en font quelqu'un qui compte aujourd'hui. Ses albums avec Sensational aussi. Génial. Voilà, donc là, il nous livre une série de deux albums qui s'appellent les Dance Classics Volume 1 and 2, un peu à l'image des Club Classics à l'époque de Soul to Soul, si tu te rappelles. Oh. Hein, ça nous rappelle cette bonne époque-là. Sauf que derrière les Dance Classics... Bon, je vous invite à ne pas réécouter Soul to Soul. Et bien moi je vous invite à réécouter Soul to Soul. Alors on n'est pas d'accord là-dessus. Voilà, donc les Dance Classics de Kuei Matsunaga sous le nom NHK Koixen sont évidemment à prendre avec second degré, puisqu'il y a une bonne dose de déconne expérimentale entre guillemets, enfin disons que c'est pas non plus du clubbing garanti. Je vous conseille pas ça ni pour vos survies ni pour vos mariages. Ça fera certainement plus un malheur dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, c'est quand même voilà la musique électronique d'avant-garde, groovy certes, inspiré des motifs hip-hop d'un côté, techno de l'autre. J'ai pensé assez souvent à des gens comme Jeff Mills, Robert Hood ou du côté de la scène viennoise Cheap Records, pour citer des noms des années 90. Des sonorités aussi à la Gescom, le side project de Outtaker, avec un art du cut, des rythmiques parfois claudiquantes comme ça, à l'image du morceau qu'on va s'écouter. 670, c'est donc un extrait du Dance Classic Volume 2, c'est sorti par Pan Records courant 2012, et on aime ça dans le secret du son là-bas. On aime tout. I'm a ball of my money, you can't match it up. Flip, flip, flip, flip. Platinum grill, yellow rain. Get a meal, split a meal. Break it down with my team. Every got a beam. Every got a scheme. Cause every empire got a star with a dream. We make it green, green. Breaking lean. We digital scales. No more trip. I like it. Flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips. Flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips, flip my chips. Dorian Concept dans Le Secret du Son d'Abat avec une sorte de néo mashup avec Lip Flip sur la prod du Trilingual Dance Experience qui avait un peu révélé Dorian Concept en 2009 lorsqu'il était encore sur Affiné Records avant de signer sur Ninja Tune et de sortir des excellents EP qu'on avait déjà diffusés dans Le Secret du Son d'Abat. Là, la prod. Ils sont chez Ninja Tune, c'est ça? Ils sont chez Ninja Tune. Ça, c'est sur Ninja Tune? Pas nécessairement. Non, il y a un maxi qui traîne vinyle. Ouais, je sais pas si c'est pas un peu un white label, mais je l'ai vu traîner, donc il existe. En tout cas, voilà, avec Lip Flip, star du hip-hop américain qu'on avait entendu sur la bande son de, je relis mes notes, de Too Fast Too Furious, c'est pour dire. Voilà, donc le mélange de son titre Im Ambala et donc ce excellent Trilingual Dance Experience de Dorian Concept pour un morceau sacrément efficace. Et une belle saloperie, comme on a coutume de dire. Bah oui, une belle saloperie. On va poursuivre avec la Technobrega. Alors, la Technobrega, c'est quoi? C'est la nouvelle vague brésilienne de l'électro. Alors, c'est une nouvelle vague. Alors, ça fait déjà deux bonnes années. Alors, bon, moi, je suis ça depuis 5-6 mois. C'est toujours compliqué d'où ça vient, où ça va. Il y a des milliards de blogs. Il faut écouter des milliards de sons, filtrer quelques morceaux qui me semblent un peu pertinents. En tout cas, j'ai retenu ce morceau de Desi Digrona, excusez-moi, featuring Djalou avec le morceau Prostito. Alors, disait Drigano, c'est une musicienne de funk carioca hein, qui est déjà bien en place dans la place à Rio de Janeiro et qui a collaboré quand même avec Mia, donc vraiment on est sur quelque chose d'assez balisé. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que à part des relations de sexe entre les hommes qui traînouillent par-ci par-là, mais pas toujours des hommes, hein, voilà, pour avoir lu sur d'autres blogs. En tout cas, voilà, on est vraiment dans la scène indie sud-américaine qui continue d'exploser. On a parlé d'électrocumbia à plusieurs reprises dans Le Secret du Son d'Abba. On a parlé de Mumbaton, enfin bon, de Mumbacore, de Mumbacore. Bah, si vous aviez de trapcore, voilà. Enfin bref, en tout cas, on suit ça de très près. Mais bon, malheureusement, on n'a pas toujours le temps d'y revenir. On va écouter cet extrait de Days Tigrona qui vaut le coup. Et c'est encore une belle saloperie. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Eu quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. Après la techno-brigade des Tigrona qui a eu les honneurs du magazine Track sur Arte, on poursuit avec Magabo. Magabo qui revient avec un nouvel album, sûrement son plus abouti. Magabo, on retrouve derrière Magabo un gringo, comme ils disent, Stefan Anderson, qui vit depuis une dizaine d'années au Brésil et qui a voulu vraiment, à partir de musique électronique, du rythme, évidemment, de mélange de rythme afro-brésilien, comme vous venez de l'entendre, vraiment un mix assez abouti. Je trouve vraiment ce morceau là qu'on vient d'écouter de Magabo avec la chanteuse Rosangela Macedo et Marcelo Yuka, vraiment un très très chouette titre tiré de l'album. C'est vrai que c'est assez on se laisse complètement emporter dans Vraiment dans et puis là il y a vraiment plusieurs morceaux comme ça sur l'album Quilombo do Futuro, sorti sur Post World Industry en fin 2012. Et vraiment, c'est souvent, c'est toujours un peu compliqué, hein, les mélanges, les métissages, les passages entre les genres, etc. Et je trouve que Magabo, là, à plusieurs reprises sur l'album, il réussit ce mélange, ce mix. Évidemment, de façon moins frontale et moins crue que ce qu'on vient d'entendre avec la Teno Begra, qui est à la limite du trap, via Destigrona. Mais voilà, dans un autre genre, plus chaloupé, plus dans un respect des musiques populaires brésiliennes ou afro-brésiliennes, plus ancrées, en tout cas vraiment très intéressantes. Voilà. Et on va quitter l'Amérique du Sud pour retourner sur des rythmes, évidemment, vous allez voir, vraiment pas très éloignés. Et c'est pas un hasard si je programme Christine Salem juste après Magabo. Christine Salem, qu'on ne présente plus, hein, princesse du Maloya, de l'île de la Réunion. Si on parle souvent de Nel Ouaro, difficile d'éviter de parler de Christine Salem, qui a été longtemps fait une carrière avec Salem Tradition, qui était son groupe. Et qu'on a eu l'occasion de voir sur la scène des Escales en 2011. 2011, ensemble, voilà, que j'avais vu avec Salem Tradition déjà par deux fois auparavant, puis en solo auparavant. Voilà, vraiment, Salem Tradition et Christine Salem, c'est vraiment un très très chouette moment. Une nana qui a évidemment un charisme assez dingue, avec une énergie assez folle, et avec un Maloya qui, entre tradition et modernité, alors c'est toujours un peu couillon de dire ça, mais vraiment, elle est... On va finir par... Ouais, ça va finir par être une espèce de... Ouais, bah ok, c'est entre tradition et modernité, les gars, on sait bien. Voilà, mais en tout cas, vraiment, elle arrive à sortir... Parce que évidemment, le Maloya, entre le Maloya un petit peu engagé, assez pur, entre guillemets, de Waro, et les diverses variations qui ont émergé depuis une dizaine d'années sur l'île de la Réunion, il y a des écarts. Moi, je ne m'y reconnais pas toujours, à vrai dire. Et évidemment, il y a toute une partie de la scène Maloya très variété, évidemment, aussi. Pas trop mon truc. Et là, évidemment, Christine Salem tire le genre vers le haut, en tout cas pour moi. Et là, c'est un nouvel album qui sorti fin 2012 et qui sort en métropole, comme elle dit, en début 2013, qui s'appelle Salem Tradition, hein, qui est donc elle. Qui est sur la continuité historique. Ouais, voilà, qui reprend certaines chansons qu'elle avait écrites avec son groupe. Et une partie de l'album est une collaboration avec Moriarty. Et donc, oula, des fois, on peut avoir peur, hein, tout comme ça. Bah, mais ouais, tout de suite, ça fait, toi, t'as peur, ça là, fait voilà, des frissons dans le dos. Voilà, et pas du tout, voilà, pour ceux qui écoutent un petit peu Moriarty sans arrière-pensée, ou sans préjugés. J'en ai aucun. En tout cas, voilà, et vraiment, la collaboration est vraiment intéressante et très sincère, et même si le morceau qu'on va écouter n'évoque pas, en tout cas, cette collaboration, en tout cas, je vous invite fortement à écouter cet album qui s'appelle Salem Tradition, qui sort sur l'autre, qui est distribué par l'autre distribution, et on va se quitter là-dessus. Eh bien, je crois bien. C'est pas mal, ça, et ça s'appelle Finale. Et on se retrouve au mois de mars. Bah, je crois. A fortiori. À part là, ouais. Alors, vous allez sur le blog, vous allez sur le Facebook, vous allez voir, il y a plein d'événements, plein de dates, et vous allez nous retrouver. C'est vrai qu'on n'a pas cité beaucoup d'événements, on vous recommande simplement de nous suivre, voilà. Sur le blog ou sur le Facebook. Et n'hésitez pas à nous écrire, etc., comme d'habitude. Merci à Mathias pour cette belle soirée, cette belle enregistrement. Merci, monsieur Melon, et rendez-vous à la prochaine. Okay. Akulu mambeli, akulu mambeli wale, akulu mambeli la fini mambeli wa. Akulu mambeli, akulu mambeli wale, akulu mambeli la fini mambeli wa. Finale pei namo, finale pei namo, finale pei namo, finale pei namo. Finale pei l'amo, finale pei l'amo, finale pei l'amo, finale pei l'amo. Asalura kaf momo, asalura kaf mayang, asalura kaf fode la fini mambeliwa. Asalura kaf momo, asalura kaf mayang, asalura kaf fode la fini mambeliwa. Akulu mambeli, akulu mambeli wale, akulu mambeli na fini mambeliwa. Finale, pays d'amour, finale, pays d'amour, finale, pays d'amour.